Yeah, quoi? Beaucoup de bornes d'aveuglés voudraient nous supprimer le hip-hop. Mettre en avant les bidons qui rappent, c'est du boycott. Je dis pas de gros mots, mais les vérités, c'est ce qui choque. Car je me dois de représenter les gars qui me supportent. Certains médias veulent faire du rap, une zik en toc. De la gélatine sans art, sans âme, bon pour les chiottes. Mais y'a mon rock, je reste vrai, y'a que ça qui me botte. J'en veux parfois au public qui préfère acheter de la camelote, quoi. J'apporte ce que les gens veulent, de bonnes vibes green pour tous les jeunes seuls, pour ton blunt. J'apporte le fun qui manque à ta vie, ta brogue, de fat, son de douces mélodies et de faux insensés. Éteins la télé, branche ton poste, écoute ma voix résonner, c'est du pur style de Paris. Ça sent le béton, les embouts de Nesby, le ciel gris, le fly, puis les gartag et la nuit gare au képi. 75 codes de matricule, maraudeur, freestyler, agitateur, des foules en sueur. J'aime ma ligne 13, les plans tuck sans pèse, les frites, yes, les 16 me plaisent, on dit que je pèse en mic à l'aise, blesse. J'ai vie des foutaises, je baise les mauvaises langues, j'ai mon grand. Une bande scande, son nom sur tous les toits. Je fais du hardcore, du vrai sang pour la faune urbaine. La zone, les halls sans âme et psaume. Réconforte les mots mentaux, la vérité je prône. Je fais pas du rap pour m'enrichir sous la misère des autres. Je garde la tête haute, j'ai plein d'espoir, je sais que le monde est nôtre. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de chats, de variettes, ni ce que les rats ils veulent. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip hop. C'est pas pour qu'on me le reprenne et qu'on me le remette à neuf. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de fausses histoires, vous savez, de violence, mais des gueules. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip hop. Et je ne laisserai aucun MC noyer le rap dans le bluff. Yo, dans ma black, l'excuse, je représente les copains dans la vallée. Ferme ta gueule, putain! Mais ça, du fat son dans tous les clubs, des caves aux parties privées au pub. Yeah, les meufs kiffent, les teufs bouffent, c'est moi qui ai le buzz. Scud sur scud, j'apporte la bonne sauce, les wax se sauvent, fini la guimauve. La nuit jack pour pauvre, j'aime la soul. La salsa, tout ce qu'il y a de swing, des feelings, les flow free, des queens, les bons slaps, les vannes, les cubanings. La rue me le rend bien, j'bosse pour elle comme un médecin, sans frontières, main sur la Bible. J'ai juré d'être honnête avec les miens, j'suis colombien. La vidéo, je connais sa part, l'article orange, ton mafieux people. Viens voir les rues de Bogota, Pendejo. Y'a pas de Pablo Escobar à Paris. Beaucoup de bouffons, puis des pseudo-bandits qui refont Scarface sur Maxi. L'apologie de la violence est pour les bourgeois frustrés qui matent des films d'action et qui rêvent d'une vie plus agitée. Ça vend de la misère et la mort en ignorant la souffrance. Chez moi, combien d'enfants des rues voudraient connaître la France? Y'a beaucoup de bluff dans le rap, de rimes, de frimes pour ça taper. La télé nous matraque de clips qu'un riz noyé dans la sape. Y'a que de la hype, plus de messages, que du profit. Des tasses plus sexy qui tranglent leur voix en chorégraphie. J'aime trop le rap pour voir vulgariser en sale teuf. Va pas rentrer dans l'an 2000 avec ce grand bluff. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de chats, de variettes, ni ce que les rats veulent. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip-hop. C'est pas pour qu'on me le reprenne et qu'on me le remette à neuf. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de fausses histoires, vous savez, des violences, mais des gueules. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip-hop. Et je ne laisserai aucun MC noyer l'aura dans le bluff. Je donne course poursuite infernale au volant d'un micro volé. Une chasse au tube déclarée, trop d'MC courant après le billet. Un hold-up foireux pour le top 50 de Bigle. C'est fou ce qu'on peut gober comme peu de bon rap dans une journée. Prise facile, auditeur docile, au profil juvénile versatile. Qui cherche le rap sans sexe à pile. L'arnaque d'un fin de siècle, le rap la grosse carotte. Faites gaffe aux majors et aux éditeurs, c'est dingue qu'ils escroquent. Ça se fout de l'art mais ça travaille dans l'art de distiller l'art. Car au radio leur goût de chiotte pourrait affecter nos mamans. Soy un bravo, un teso, un manso bravo. Ponte lao, kaki yo vengo virao. La variété c'est comme un fléau pire que d'opium. Mais je reviendrai nettoyer tout ça dans mon prochain album. Ils ont fini par faire du rap une niaiserie. Tant pis si beaucoup d'MC d'ici s'y plient, moi en tout cas je vous l'avais dit. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de chats, de variettes, ni ce que les rats veulent. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip-hop. C'est pas pour qu'on me le reprenne et qu'on me le remette à neuf. J'apporte des sons, de plaisir, d'évasion. Pas de fausses histoires, de seuf, de violence, ni de gueule. C'est ma passion, mon job, j'ai tout donné au hip-hop. Et je ne laisserai aucun MC noyer le rap dans le bluff.